Peut-être que les gars, les DS et les gars, en voient pour le monde, une voix de carat, de la couleur du bas, d'avoir un jour aimé, la putain assoiffée de ma substance vitale. Des milliers d'amants ne pourront pas t'aider.